our correspondent is live on Riverside asking passersby where they like it weird. Where do you like it weird? I like it weird at work. I like it weird in the shower after class. Sometimes I like it weird in the bedroom, but most of the time it's in the kitchen. I like it weird in the car. KFAI. It's weird, but I like it. Do you enjoy sentimental folk music? Art? Culture? Science? Try. Poetry, science, and wrestling. And over the soft folk music and laughter from the kitchen, you hear the referee snap down a tight 3 count and the bell rings clear, punctuating the end of the king's... Also featuring jazz, acoustic party music, and occasional conversations with interesting people, including Mark Kerner. Good afternoon. I'm Paul Broha, and this is a cultural conversation. Thursday afternoons from 2 to 4 on KFAI. Programming is supported by the Alley newspaper. Now in its 45th year, the Alley is the newspaper of the Phillips community in Minneapolis, serving more than 20,000 residents and many businesses, agencies, schools, and visitors to Phillips. The Alley is the only paper to concentrate exclusively on the Phillips community, allowing them to cover in-depth the issues and stories that matter to the people who live there. Available online at alleynews.org. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis-St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, and streaming online at kfai.org. The program you're listening is Bonjour Minnesota. You can email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et St. Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous envoyer un email à bonjourminnesota@gmail.com. Bonjour, bonsoir. We're gonna listen to Nino Ferrer avec la chanson Alexandre. Then it's gonna be Françoise Hardy avec Mon ami La Rose, My Friend The Rose, and Dalida avec Le Temps des Fleurs. Qui a cassé le cocotier? Qui a caché les allumettes? Qui a pas fait sa gymnastique? Qui a pris la pipe à pépé? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre, qui voulez-vous que ce soit? Qui habite la rue Quincampoix? Qui a bu mon sirop d'orgeat? Qui s'est fait un coup de papier avec l'épée d'Ivanoé? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Ça ne peut être qu'Alexandre, c'est toujours Alexandre. C'est encore Alexandre, ça doit être Alexandre, Alexandre, Alexandre,

est la chanson que la nuit m'apporte. Mon cœur déjà ne la connaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Le lendemain avait un goût de miel. Ton bras prenait. Nino Ferrer with Alexandre, then Françoise Hardy avec Mon ami la rose, and Dalida avec Le temps des fleurs. Now we're going to listen to Maurice Chevalier avec Prosper, Yopla Boom, Jacques Brel avec Les Flamandes et Georges Brassens avec Le Gorille. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard, faut pas être bachelier pour deviner son métier. Prosper, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il fait jamais rien lui-même, il a son harem qui de Clichy à Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Il ramasse les billets et leur laisse la monnaie, en quel sacrifice. En somme, c'est leur manager, et yop la boum, prospère. Avec sa belle gueule d'affranchi, là-haut sur la butte, ah, toutes les gonzesses sont folles de lui et se le disputent. Y'en a qui se planquent des gnons, ben oui, et se crêpent le chignon. Pendant ce temps, voyez-vous, tranquillement, il compte les coups. Prosper, et yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Prosper, et yop la boum, c'est le roi du macadam. Quand une femme se fait poisser par les roussins du quartier, il la laisse tomber. Et il s'en va carrément faire son réassortiment dans l'arrondissement. Et quand sur le champ elles ne sont pas à la page, voulant fermement faire leur apprentissage, dans une ville de garnison, il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair, et yop la boum, prospère. Et yop la boum. Une ville de garnison, il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair, et yop la boum, prospère. Les Flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. quand les Flamandes dansent sans rien dire. Les Flamandes, ça n'est pas causant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans. Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer. Se fiancer pour pouvoir se marier. Et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents. Le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elle danse. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir. Les Flamandes, ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, elles font la fierté de leurs parents. Et du bedeau et de son imminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire. Les Flamandes, ça n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans. Qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans mollir. Les Flamandes, ça n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant. Et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied et bon blond et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents et le bedeau et même son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes, les Flamandes. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Le patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. «

semble presque immobile. Au-delà du temps, il veille. Et si le monde vacille, son rythme rétablit l'équilibre. Dans son implacable élégance, le danseur est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là, dans un petit troquet, d'un port martiniquais, une fille belle à croquer, là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur, elle dans un hoquet, lui tendant son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire de tous les jours? Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. La sirène brusqua leurs adieux délicats, mais soudain tout se compliqua. Ah, la petite masqua un instant son tracas, pourtant son courage manqua. Là, elle dit j'ai peur, il ne faut pas partir. Vois-tu mon cœur, sans toi je vais mourir. Le garçon expliqua qu'il fallait en tout cas qu'il partait, c'est pourquoi il embarqua. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Les paquets embarqués, le bateau remorqué, lentement a quitté le quai. Là, ne soyez pas choqués, n'allez pas vous moquer de ce que je vais expliquer. Là, regardant au port son bel amour à terre, pris de remords, il plongea dans la mer. Devant ce coup risqué, par l'amour provoqué, les requins en restèrent interloqués. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'aurore d'un nouveau jour qui est fait pour durer toujours. Car l'amour vient pour retrouver l'amour. It was Michel Jonas avec du blues, du blues, du blues, Arthur H. avec Le Danseur, and Charles Aznavour avec Meke Meke. Now it's going to be Charles Trenet with Ménilmontant, a neighborhood from Paris, Lynn Renault avec Copacabana, and Émilie Loiseau avec La Femme à Barbe, The Bearded Woman. Ménilmontant, Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois, un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De Nicolas, Midinette, chez Sadinette, au bistrot, la biblette, lis ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte verte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Avec ses plumes et son chapeau, sa robe fendue de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha le meringue. Elle voulait devenir une star. Et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. La Hocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. Escorté par toute sa mafia, il venait voir danser Lola. Quand elle eut fini, il l'appela vers lui. Rico alla un peu trop loin, alors Tony serra les poings, sautant par-dessus le bas, déclenchant la bagarre. Un coup de feu, du sang et des cris qui tua Tony. La Hocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Hocopa, Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Mais il y a 30 ans déjà, il y avait des shows dans ce temps-là. Maintenant c'est disco, mais pas pour Lola. Toutes ses plumes sont fanées et son cœur est déchiré. Elle boit et dans son verre, revoit son univers. Quand elle rêvait d'être une star, Tony tenait le bar. La Rocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Rocopa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Rocopa, comme il s'aimait. Charles Trellet avec Ménilmontant, Lynn Renaud avec Copacabana et Émilie Loiseau avec La Femme à Barbe. Hey, it's me, CRZ, host of The Dollar Bin, a web-exclusive program on KFAI.org and on the Mixcloud channel. Do you know I've been doing this show so long you can now listen to The Dollar Bin for a day and a half without repeating an episode? I'm not saying you'd want to, but if you're into artists you've heard of, maybe songs you haven't, if you like the remixes, 12 inches, 1970s, 80s, 90s, give us another shot, kfai.org/dollar-bin. Thanks. Hey, what did you get for lunch? I got a bologna sandwich, string cheese, and an apple. What have you got? I got New Jack Swing Review, Corazon Latino, and Bonjour Minnesota. What? Yeah, Mom shops at KFAI. You can't eat radio. That's weird. It feeds my brain. KFAI is weird, but I like it. Attention, students. Tomorrow's lunch will be mostly jazz, Fubar Omniverse, and Beats, Rhymes, and Democracy. I'll trade you my string cheese for your New Jack Swing Review. Hey, you can't bump me. Now we're going to listen to a classic from Edith Piaf with Milo. Then we're going to listen to Paris Chanson avec Zingarella.

نفسكش صوت تلوان سينغريلا سينغريلا سينغريلا سينغريلا Danse en ouvrant les bras tous les garçons autour de toi. Zingarella, Zingarella, Zingarella bellissima, les cheveux noirs, tes yeux lilas brillent la nuit comme un feu de bois. Zingarella, Zingarella. Глаза выискиваю, а чего стучит на сердце, а чего оно так тает, Синдерелла, Синдерелла. Струны, как любовь цыгана, зазвучат хмельной пряно. Лишь в объятиях Адамана станешь от любви, как пьяна. Синдерелла, Синдерелла, Cheveux noirs, tes yeux lilas brillent la nuit comme un feu de bois. Cinderella, Cinderella. Petite âme jolie, qu'as-tu fait du bonheur qui passait dans ta vie? Comme une fleur que l'on met pour danser, tu l'as mis sur ton cœur et puis tu n'y as plus pensé. Moi j'en rêve tant et tant qu'elle est toujours aussi belle qu'au printemps de nos amours. Cœur de mon cœur, petite âme jolie, qu'as-tu fait du bonheur qui passait dans ta vie? Comme une fleur qui frissonne à ton pas, tu l'oublies sur ton cœur, mais ne la jette surtout pas. Ceux qui pleurent leurs années le long des quais, même avec des fleurs fanées, font des bouquets. Cœur de mon cœur, petite âme jolie, tu pourrais, j'en ai peur, regretter tes folies. Cœur de mon cœur,

propose Luis Mariano avec Rossignol, Elena with J'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche is My memory is letting me down. And Serge Gainsbourg avec Le claqueur de doigts. Is your diet lacking in vitamins and minerals? How about adding some much needed heavy metal into your meal plan? We here at KFAI and the Root of All Evil show eat, sleep, and breathe metal on a regular basis, and we use that metal boost to fuel our never-ending quest for the truest of all forms of heavy music. Sound like something you want to sink your teeth into? Why not join us at the station and see how much better your health can be with a heaping heavy-duty dose of metal as you enter the live radio platform from 1 to 6 a.m. every weekend on KFAI. You may have the option of possible co-host, guest, or metal maniac, someone who doesn't mind late nights cranking the metal as it must be played. Reach out in the name of metal and contact us at roaecrew@gmail.com or call KFAI at 612-341-0980. Now we're going to listen to Indochine avec Des Fleurs pour Salinger, Bébé Brune avec Garoulou, Beware of the Wolf, and Gérald de Palma with Le Gouffre, or Le Big Hole. Mais belle surtout, je suis allé voir hier soir cette fille qui me rend fou, fille qui me rend fou. Mon Bonsoir madame, je sais qu'il est tard, m'en voulez point surtout. Si je suis venu vous voir ce soir, c'est que je suis fou de vous. Je suis fou de vous. Chaque soir sur le comptoir, au bar des rendez-vous, elle me jetait de ses regards, me faisait les yeux doux, me faisait les yeux doux. Mon cher monsieur, c'est qu'il se fait tard, m'inviteriez-vous? Ah non madame, non pas ce soir, ce n'est pas contre vous, n'est pas contre vous. Et un beau soir, on frappa à ma porte, on m'annonça que madame était morte. On m'enfila les menottes au poignet, et on me dit, c'est vous qui l'avez mangé. Indochine avec des fleurs pour Salinger, Bébé Brune avec Garolou et Gérald de Palma avec Le Gouffre. Now we're going to listen to Alma avec Requiem, Angèle avec Ta Reine, Your Queen, Arcadien avec Ton Combat, Your Fight, et Badi Chimen avec Jezebel, which is a cover. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras, quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Et puis un jour on est tout seul, on pleure mais on se... Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Des amours naissent, des amours meurent. Ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Tu voudrais qu'elle soit ta reine.

s'étend tout au fond de moi-même. Was Alma with Requiem, Angèle avec Taren, Arcadien avec Tour Combat et Badi Chimène avec Jezebel. Now we're going to listen to Daniel Balavoine avec Poisson dans la cage, Fish in a Bird Cage. Then it's going to be Luan with Chambre 12 and L.E.G. avec Le Verbe, The Verb. Jouer. Chercher le mirage ailleurs que dans sa peau. kamikaze. Pénombre, chambre 12. C'est sa belle ombre que j'épouse. La lune m'écoute, la nuit me trouble. Je voyage solo sur mon lit double. La pluie tombe sur la chambre 12. L'odeur des murs chante mon blues. J'y ai cru comme on croit en Dieu. Seul je rejoins ce joint de bœuf. Dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Mais qu'est-ce qu'on y peut. Chambre 12. Elle sent l'amour, elle sent la loose. Tout était clair, rien n'était sûr. Il parlait vrai, il parlait dur. À la fenêtre, les taxis passent. Les coupes s'enlacent et puis se lassent. Bouche se touche et puis se casse. Les histoires s'écrivent puis s'effacent. Dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Mais qu'est-ce qu'on y peut. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Pour te dire adieu. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance. En termes de conseils beauté, on aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. La lumière du mot, c'est dans la note qu'elle devient réverbe. Je m'offre à lui nu comme un verre qui n'est pas alexandrin. et lui parle avec une voix qui se marie avec son grain. Je me pars de laine, lui parle des vers de Verlaine. Je m'épile électrique, il aime mes va-et-vient. Rouge à lèvres, sourire blanc, rimel, bleu, méthylène. Lui sait que sont mes bonnets. Je rêve de toi, phrygien. Dans mes vieux habits, multiples propositions, aucun article n'est défini. Je lui parle, il ne répond pas, c'est une drôle de séduction. Le paradoxe, c'est que de ça, je sais faire abstraction. C'est de lin et de coton qu'il compose ses oraisons. Quand il réfléchit peu, il me croit sage comme une comparaison. Mais moi, je serais plus qu'une anacolute, je serais une anaphore. Tant pis si je pléonasme, il nie ma morphologie d'enfant. Sous prétexte qu'on est belle. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Vocalise des immondices. Son cœur de métal dérobe les formes de ma robe qui plissent. J'enfile comme des métaphores mes cols enfilés. Et il plaide la folie tout au long de mon défilé. Il m'épuise à ne pas parler, à rester de glace pourtant. Dans la chaleur de mon souffle, ce sont des cœurs que je lui trace. J'aimerais que l'image qu'il renvoie ne puisse pas s'estomper. Qu'il me dise que je suis belle car je ne peux pas le laisser tomber. Qu'on est belle, faudrait être polyester. It was Daniel Balavoine with Poisson dans la cage, Louane with Chambre 12, Eddie G with Le Verbe. And now it's going to be Marc Lavoine avec Elle a les yeux revolver, which was one of his very first success. Then Kyo avec Je saigne encore, I am still bleeding. Peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme quand elle meurt. femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Dans mon âme, regarde en toi, même pas l'ombre. It was Marc Lavoine with Elle a les yeux revolver. Then Kyo avec Je saigne encore. Now we're going to listen to Gilbert Bécaud avec L'important c'est la rose. The important thing is the rose. Then Didier Serre avec Du moment que ça roule, As long as it's rolling. And Lojo avec Petit homme, Little Man. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. C'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Comment show la maille, cherche-moi, tiens, où sur ce boulevard, c'est un vrai fanard. Je crois, c'est mon tchèque, y'a la planche, car mon longueur, ma chalancorde, c'est son osteur, ça fait chaud, cher. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sous mon 18 rues. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sous mon 18 rues. Mon CV speed sur le 19, piste de mec, alors quoi de neuf? Faut que je ralentis, les ours sont de sortie. Je croise le smoké, n'a pas l'air ok. Sur l'ongle l'ours t'auras pas ma monnaie. J'enfonce le marteau et je pousse la radio. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sous mon 18 roues. Du moment que ça roule, moment que ça roule, du moment que ça roule, c'est mon 18 août. Sur ce boulevard, c'est vraiment le panard. Vite chou devant sous le soleil blanc. Le spet en arrière, j'étais une bonne weather. J'suis un camionneur comme un cabot tracker. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sur mon 18 roues. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sur mon 18 roues. Du moment que ça roule, du moment que ça roule. Du moment que ça roule, sur mon 18 roues. Du moment que ça roule, du moment que ça roule, du moment que ça roule, sur mon 18 roues. Balayant le coucher, balayant le coucher, balayant le coucher. It was Gilbert Bécaud avec L'important c'est la rose, Didier Serre avec Du moment que ça roule et Lojo avec Petit homme. Now we're gonna listen to Ariane Moffat avec Le matin en patin et Thérèse Montcalm avec Cet extra. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. La folie a fait son lit dans les coteaux de la nuit. Glisser sur la butte dans la nuit, tous les traîneaux vont glisser sur les coteaux. C'est Marco qui les a vus, une nuit de demi-lune, c'est Marco qui les a vus, il les a tous connus. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. La folie a fait son lit dans les coteaux de la nuit. Les traîneaux, les skis aussi, qui ne laissent pas de traces. Les traîneaux, les skis aussi, et qui ne font pas de bruit. Et les patins sur l'étang, qui viennent, qui vont, qui virent. Les patins sont sur l'étang, les pieds ne sont pas dedans. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. La folie a fait son lit dans les coteaux de la nuit. Le matin se fait, les traîneaux sont à la porte, mais les skis et les patins, attention tous les matins. On en trouve un sur l'étang, on en trouve un sur la butte, ça dépend du vent, du temps et du sommeil des enfants. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. Comme un fuseau qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit, comme un satin de blanc marié. Une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Cheveux qui tombent comme le soir. Il y a de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Qui coule ma chanson. C'est extra.